qu'une solution, partir en fumée, vivre comme un con, comme Johnny Hallyday. Partir pour partir, vaut mieux partir bébé, comme une opposition à Johnny Hallyday. Comme Johnny Hallyday, partir pour partir, je pars à Saint-Dizier, mon unique solution pour Johnny Hallyday. Johnny Hallyday.